Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cifou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Il y a Burger King qui parodie une pub de chez McDonald's. En France, la rivalité entre les deux chaînes de restauration rapide s'est manifestée cette semaine par la publicité respective, leur publicité respective sur le web. Comme le rapportait l'édition française du Huffington Post, McDonald's a ouvert les hostilités avec un premier spot publicitaire dans lequel on voit un panneau informant que le McDo le plus proche se trouve à proximité. Juste à côté, un autre panneau très long affiche les nombreuses directions à suivre ainsi que le nombre élevé de kilomètres à parcourir avant d'arriver au Burger King le plus près. Il n'en fallait pas plus pour que la chaîne Burger King riposte dans une pub cinglante, reprenant le même concept mais en le poussant plus loin. On y voit alors deux automobilistes s'arrêtant bel et bien au service à l'auto du McDo, mais seulement pour prendre un café car ils ont voulu faire la route avant d'aller déguster un bon Whopper. Jamais 203 sur Facebook, le système de vélo en libre-service Vélib, qui est l'équivalent à du Bixi pour Paris, a profité à son tour du buzz médiatique créé par la rivalité des deux géants de la restauration rapide pour produire sa propre pub. Reprenant les images des deux vidéos de Burger King et de McDonald's, Vélib a adapté le concept à leurs produits. Plutôt Big Mac ou Whopper, dans les deux cas, il va falloir pédaler pas mal pour les éliminer. Alors, tout le monde est content, puis tout le monde a tiré son épingle du jeu. Hein? Possible? On verra. La suite, on sait pas quand. Invention qui va tout changer est arrivée. Eh bien oui, attends un petit peu, c'est quoi ça? On va aller voir ça. Une invention qui va tout changer. Oubliez la voiture volante, la machine à voyager dans le temps ou le télétransporteur. Eh bien, nous entrons officiellement dans une nouvelle ère. Pendant des siècles, l'homme s'est battu avec du beurre difficile à étendre. Eh bien, ces jours-là sont derrière nous. Le BM Butter Sprayer vous laisse vaporiser du beurre sur tout ce que vous voulez. Des toasts, du maïs soufflé, votre corps nu, n'importe quoi. Tout ce que vous avez à faire est de mettre un bâton de beurre dans l'appareil et quelques secondes plus tard, vous avez du beurre fondu, prêt à vaporiser. À la surprise de personne, l'outil est présentement en campagne de sous-financement sur Kickstarter et a déjà atteint son but d'amasser 42 000 $. Il vous reste alors 30 jours pour en commander un. C'est le BM Butter Sprayer. Your butter sprayer. Hein? C'est-tu pas assez merveilleux, hein? Ça donne faim. Un nouveau plat très fancy fera son apparition dans le menu McDonald's. Le menu des restaurants rapides de McDonald's peut varier selon le pays dans lequel il se trouve. Toutefois, en Corée du Sud, un nouveau plat surprenant vient de faire son apparition. En effet, les Sud-Coréens pourront désormais accompagner leur café de délicieux macarons. Ceux-ci seront offerts en quatre saveurs différentes, soit vanille, chocolat, fraise et caramel. Si vous vous questionnez sur la provenance de ces petites douceurs, sachez que ces dernières sont cuisinées en France, dans le Château Blanc, et seront transportées jusque dans les cuisines des McDonald's de la Corée du Sud. Ce n'est pas une première fois qu'un McDonald's servira ses macarons. La France, l'Allemagne et l'Australie l'ont déjà fait par le passé. Pourquoi pas nous? Hein? Sérieux? J'en veux? On avait vu le Whopper Black. Ben, c'est drôle, je viens de voir que Burger King a lancé un burger complètement rouge. Mais c'est passé l'été dernier, donc au Japon, la chaîne de restauration rapide Burger King a lancé un hamburger de couleur rouge. Après avoir introduit le hamburger de couleur noire, eh bien voilà que le géant récidive avec une couleur plus éclatante. Donc le Haka Burger, qui signifie rouge en japonais, sera vendu en deux options, le Haka Samurai au bœuf ou encore le Haka Samurai poulet. Les deux sont servis sur du pain de couleur rouge et garnis de fromage rouge, de tomates rouges, ainsi que d'une sauce épicée au chili rouge. Le Haka Burger sera en vente dans la succursale japonaise à partir de l'été prochain. L'été passé, hein? Le Haka au poulet sera vendu au coût de 540 yens. Ce qui représente 5,37 $ canadiens. Et le haka au bœuf sera vendu au coût de 690 yens, ce qui représente 6,86 $ canadiens. On a Piqué Souben qui nous présente son nouvel ami. Eh bien oui, profitant de quelques moments de répit pendant un voyage de 3 matchs du tricolore en Californie, Piqué Souben s'est fait photographier en compagnie du rappeur Snoop Dogg, donc mardi soir. Le défenseur du Canadien a partagé une photo de lui avec le rappeur, arborant fièrement le chandail numéro 76. Sur son propre compte Twitter, Snoop Dogg a affectueusement appelé Souben mon neveu et l'a qualifié de Canada's Fitness, le meilleur du Canada. Canada. Mais le Dogfather n'est pas le seul à avoir reçu un cadeau du joueur étoile du CH de passage à un match des Lakers à Los Angeles. Il a aussi offert un chandail autographié à la copropriétaire et présidente de l'équipe, Janie Boss. Une charmante jeune femme, en plus, qui doit-tu en avoir de l'argent, cette fille-là, propriétaire des Lakers. Pardon. Eh bien, c'est ça, hein? Tout un gentleman, notre P.K. Subban. Piqué, piqué par-ci, piqué, piqué par-là. Ben oui, je me prends pas chose, là. Ben oui. Pas de filles au bureau pendant leur période. Assez particulier ici, hein? Une nouvelle qui fait jaser, c'est normal. C'est une compagnie du Royaume-Uni qui introduit donc une politique d'entreprise visant les périodes menstruelles de ses employés. La raison? Libérer les femmes du bureau lors de leur période rendrait l'environnement au travail plus efficace et créatif. Moins agressif, peut-être, hein? Un des avocats derrière cette initiative affirme que cette politique va favoriser tant les hommes que les femmes dans cette nouvelle ambiance plus agréable au bureau. L'idée suscite de nombreuses réactions, mais le but premier, selon Bex Baxter, le directeur de la compagnie Coexist, eh bien, c'est de synchroniser le travail avec le cycle naturel du corps féminin. La compagnie se dit aussi extrêmement concernée par les douleurs physiques que peuvent créer le cycle prémenstruel des 24 femmes sur 31 employés travaillant chez Coexist, sans compter les humeurs variables et les baisses d'énergie que peuvent causer ces périodes. Sur le sujet, M. Baxter nous dit « J'ai au fil des ans, eh bien, géré beaucoup de femmes au travail et il n'était pas rare de voir des femmes pliées en deux à cause de leur période menstruelle. Même avec ses douleurs, celle-ci ne se sentait pas à l'aise de quitter pour la maison. Ce n'est pas juste. Chez Coexist, nous sommes très compréhensifs. » Même si la base de l'idée semble plaire aux nombreux employés du bureau, la nouvelle est pour le moins innovatrice, crée de vives réactions. On aime ou on n'aime pas. Effectivement. Là, il y en a un qui dit « C'est ridicule, hein? » Il y en a un qui dit « Ils n'ont qu'à suggérer la prise d'anovulant en continu, problème réglé. » Tiens, un débile, tu le vois tout de suite. Là, il y a quelqu'un qui répond « Ben oui, toi, bien facile de régler tes problèmes avec des pilules. Je sais que selon la... » T'as peu. Je ne sais selon quelle loi de physique, mais lorsqu'on est plusieurs femmes à se côtoyer fréquemment, nos périodes se régularisent afin de toutes tomber menstruées en même temps. J'espère que ces femmes ne travailleront pas trop près l'une de l'autre, sinon 24 employés sur 31 seront en congé la même semaine. Exactement, hein? Tout le monde va dire qu'il aime, mais quand il va venir temps de rattraper tout le boulot, pas fait, il n'y aura plus personne pour se lever. Alors, c'est des commentaires vraiment très, très différents un des autres. Tiens donc ici, télécharger des informations directement dans votre cerveau comme dans la matrice serait bientôt une réalité. Apprendre à piloter un avion ou à décrypter un nouveau langage dans votre sommeil, voilà une idée qui semble sortie tout droit d'un film de science-fiction. Mais selon le Telegraph, cette technologie futuriste popularisée entre autres par Neo dans le film La Matrice pourrait devenir réalité beaucoup plus tôt que vous le pensiez. Selon le quotidien anglais, des chercheurs du Hugh Research Laboratory en Californie auraient réussi à mettre au point un procédé capable d'amplifier l'acquisition du savoir en stimulant le cerveau avec de faibles décharges électriques. Plus précisément, la technique utilisée par le Dr. Matthew Philip et son équipe est appelée stimulation transcrânienne à courant direct ou TDCS. Et elle consiste à stimuler certaines zones du cerveau à l'aide d'électrodes disposées sur le crâne du patient. Nous avons donc mesuré l'activité cérébrale de 6 pilotes commerciaux et militaires et nous avons ensuite transmis ces modèles à des sujets inexpérimentés lors de leur entraînement en simulateur de vol. Les tests du Dr. Philippe ont permis de mesurer une amélioration de 33 % des résultats des sujets portant un casque muni d'électrodes comparativement au groupe placebo. D'autres études ont déjà démontré l'efficacité du procédé pour stimuler la créativité ou encore pour récupérer plus rapidement d'un AVC. Mais selon le Dr. Philip, activer ainsi les neurones de régions spécifiques au cerveau avec un faible courant électrique pendant une période d'apprentissage permettrait également d'améliorer l'absorption et la rétention d'informations. Quand vous apprenez quelque chose, votre cerveau se modifie. De nouvelles connexions sont formées et d'autres sont renforcées grâce à une propriété appelée la neuroplasticité. Certaines fonctions du cerveau, comme le langage et la mémoire, sont logées dans des régions très spécifiques du cerveau de la taille de votre petit doigt. Notre système permet de cibler ces ondes pendant que vous apprenez, ajoute-t-il. On est encore bien loin du jour où vous pouvez devenir maître des arts martiaux en quelques secondes en vous branchant un câble de fibre optique à la base du cervelet, mais la technique développée par le Dr. Philippe pourrait bientôt être utilisée dans des programmes d'entraînement ou dans des salles de classe bien réelles. La stimulation cérébrale pourrait bientôt être implantée pour des cours de conduite, la préparation des examens d'entrée ou l'apprentissage d'une autre langue. Moi, c'est vraiment ça que je voudrais. Sérieux, je me connecterais pour apprendre des langues. Vraiment, ça facilite donc les connexions des neurones. Moi, je ne peux pas nécessairement tout comprendre, mais on comprend le principe et c'est magnifique. Vraiment, la science ici est extraordinaire. Et puis, tiens, on va se terminer avec ça avant d'aller en pause musicale. Une dame qui, à 90 ans, eh bien, décide de partir en road trip plutôt que de faire de la chimiothérapie. Eh bien oui, Norma a découvert qu'elle avait le cancer. Elle a décidé de tout quitter et de partir à l'aventure. Sachant très bien qu'il s'agissait probablement de son dernier voyage, la femme de 90 ans a entrepris de faire un road trip en compagnie de sa famille. Peu après la mort de son mari, Léo, avec qui elle avait passé 67 ans de sa vie, Norma a appris qu'elle souffrait d'un cancer de l'utérus. Je cite cette dame, elle dit « J'ai 90 ans, je prends la route ». Elle a lancé ça plutôt que de suivre les traitements de chimiothérapie que l'on lui proposait. Depuis le début de son voyage en juillet dernier, Norma a traversé les États-Unis en compagnie de son fils Tim et de sa belle-fille Rami. Le trio continue de dévaler les routes afin de vivre pleinement les derniers jours de Norma. Vous pouvez les suivre via leur Facebook qui s'appelle Driving Miss Norma. Allez voir ça, vraiment. C'est le fun peut-être de justement passer ces dernières heures, ces derniers jours en compagnie de gens qu'on aime. Et aussi, au lieu d'être en chimiothérapie à 90 ans, puis finir par mourir quand même, moi, je félicite le courage de cette Norma. Sur ce, eh bien, on s'en va tout de suite en musique avec notre ami Bob Dylan. On va aller écouter la pièce, tiens, Mr. Tambourine Man. On y va tout de suite avec ça. Let's go. La chose poursuit jusqu'à 13h. Restez là. Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped, my hands can't feel to grip, my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way, I promise to the wanderer. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Ah, Bob Dylan. Hein? Il me semble que ça fait été, puis ça fait nostalgie. Hein? Ça, du Bob Dylan, ça nous rappelle le bon vieux temps. Bob Dylan qui vend justement ses archives à une université, c'est tout cela et la nouvelle mecque des fans de Bob Dylan. L'université de la ville d'Oklahoma aux États-Unis a acheté les archives du chanteur. La transaction s'élèverait à 15 millions de dollars. C'est l'université de tout cela. Donc la collection acquise rassemble plus de 6000 objets, enregistrements et documents dont une partie sera exposée dans un espace permanent. Alors qu'il travaille actuellement sur un nouvel album de reprises de standards musicaux, le chanteur de 74 ans a déclaré via un communiqué « Je suis heureux que mes archives, qui ont été rassemblées durant toutes ces années, aient trouvé enfin un domicile. » Déjà 1000 objets ont trouvé leurs nouveaux appartements. Le reste arrivera progressivement au cours des 2 années à venir. Si le montant n'a pas été révélé par les principaux intéressés, c'est le New York Times qui avance que l'acquisition aurait coûté entre 15 et 20 millions de dollars. Monsieur Dylan va pouvoir arrêter de faire des shows, finalement. Ce trésor comporte notamment le cadre du piano sur lequel Bob Dylan a composé le mythique « Like a Rolling Stone » ou encore le blouson de cuir qu'il portait sur scène lors du Festival Folk de Newport en 1965. Un portefeuille avec la carte de visite du chanteur de soul Otis Redding ou encore le numéro de téléphone de la star de la country, Johnny Cash. On a aussi des paroles de chansons, on a des bouts de contrats, etc. Outre l'exposition, eh bien, l'intégralité de la collection sera mise à la disposition des universitaires qui souhaitent étudier l'œuvre de Bob Dylan. L'opération s'inscrit dans la stratégie de tout cela de devenir une destination culturelle de premier plan, cette dernière disposant déjà d'un musée consacré à Woody Guthrie, qui a composé, entre autres, « This Land is Your Land » à écouter via, via l'article. Une autre tête de proue de la musique folk américaine et une des influences de Bob Dylan. Pour moi, cela faisait sens et c'est un grand honneur à confier Bob Dylan dans l'une des premières chansons était « Song to Woody ». Alors, une vidéo qui annonce de l'université, qui annonce... OK, on a une petite vidéo qui nous montre, qui nous parle... De tout ça, si ça vous intéresse, vous irez la voir, c'est en bas de l'article. Saviez-vous que c'est votre chat qui vous choisit et non l'inverse? On l'a entendu souvent, mais semble-t-il que là, cette récente étude nous la confirme. L'ancêtre du chat de compagnie n'aurait pas été domestiqué par l'homme. Il serait venu vers lui de lui-même. Les premiers chats, donc, qui ont vécu dans les pays, les villages néolithiques il y a 10 000 ans, auraient ainsi décidé de leur propre chef de côtoyer les humains. Selon le généticien William Murphy, interviewé par sciencemag.org, eh bien, les chats n'ont pas été sélectionnés dans un but précis comme les chiens ou les autres animaux domestiques. C'est ce qu'il explique. Ils ont juste traîné à proximité des humains et les ont qui les toléraient. En somme, ils ont été acceptés dans la mesure où ils chassaient les souris et les rats qui se nourrissaient du grain récolté et stocké par les villageois. Tôt ou tard, un humain finissait par s'occuper du chat, le menant peu à peu sur la voie de la domestication. Jusqu'à peu, les scientifiques pensaient que les félins domestiques côtoyaient les hommes depuis l'Égypte antique, mais la découverte en 2004 sur un site néolithique de Chypre d'un humain enterré avec un chat a changé la donne. Le chat tel qu'on le connaît aujourd'hui descend du chat sauvage du Proche-Orient et à l'heure actuelle, plus d'1,5 milliard de félins occupent les foyers du monde entier. Ils vont prendre le contrôle bientôt, je vous le dis. Anish Kapoor, eh bien, il achète les droits du noir, le plus noir du monde. Anish Kapoor fait des jaloux. Cet artiste a acheté la couleur Vanta Black, qui est le noir censé être le plus noir du monde. Le Vanta Black, produit depuis 2014 par la société britannique Surrey Nano System, a la capacité d'absorber la lumière à hauteur de 99,96%. L'entreprise voulait en faire une invention à usage militaire afin de camoufler, par exemple, un avion de chasse, car tout objet recouvert de Vanta Black devient quasiment invisible. C'est si noir que vous ne pouvez presque rien voir. Mais depuis le 27 février dernier, le produit a également un usage artistique. En effet, le Daily Mail a révélé que Anish Kapoor s'était assuré l'exclusivité du Vanta Black. C'est si noir que vous ne pouvez presque rien voir. Imaginez un espace si sombre qu'en y pénétrant, vous perdez toute idée de qui vous êtes, d'où vous êtes et la conscience du temps. Votre état émotionnel en est affecté et sous le coup de la désorientation, il faut que vous vous trouviez à l'intérieur de quelque chose d'autre. C'est ce qu'avait affirmé le plasticien quelques jours plus tard. Un monopole dénoncé par de nombreux artistes, parmi lesquels le Britannique Christian Fur, qui avait prévu se servir de Vanta Black. Donc Turner, Manet, Goya, les plus grands ont tous été fascinés par le noir le plus pur. C'est ce qu'il explique dans le Daily Mail. Et ce noir, le Vanta Black, c'est de la dynamite dans le monde de l'art. Nous devrions tous être en mesure de pouvoir l'utiliser. Ce n'est pas juste qu'il appartienne à un seul homme. Et qui c'est lui pour... Et quelle richesse immense! C'est un artiste qui est si riche que ça pour pouvoir avoir acheté tout le Vanta Black produit par la société Surrey Nano System. Moi, je pense que c'est complètement ridicule. Ben, c'est vrai, là, mais c'est un peu comme ces milliardaires qui se saisissent de compagnies qui produisent des médicaments et puis qui décident de l'enlever du marché ou de le mettre à un prix astronomique pour que personne ne puisse l'utiliser. En tout cas, je trouve ça vraiment d'un égoïsme absolu. Quand Ben Laden appelait les États-Unis à lutter contre le changement climatique plutôt que contre l'islam, Oussama Ben Laden était vivement préoccupé par le climat. Dans une lettre écrite en 2009, il exhortait le peuple américain à lutter contre le réchauffement climatique afin de sauver l'humanité. Hein, c'est pas tout à fait ça qu'on entend parler de lui d'habitude. Hein? Le leader donc d'Al-Qaïda jugeait que les Américains devaient s'employer à soutenir Barack Obama dans son combat contre les changements climatiques plutôt qu'à mener une guerre contre l'islam. Selon Oussama Ben Laden, une grande révolution des consciences pouvait permettre au président américain de sauver l'humanité des gaz nocifs qui menacent son destin. Si le leader terroriste s'inquiétait des questions environnementales, il n'en oubliait pas pour autant son entreprise terroriste. Dans ces mêmes documents, il chargeait un proche collaborateur de préparer une campagne médiatique à l'occasion du 10e anniversaire du 11 septembre. Ces documents ont été rendus publics par la Direction du renseignement américain, conformément à la volonté de Barack Obama d'avoir une plus grande transparence sur les pièces saisies lors du raid américain au cours duquel Osama Ben Laden a été tué. Eh ben oui, jugé trop barbare. Par Al-Qaïda. OK, bizarre tout ça. On continue. Ici, vidéo. Eh ben oui, la bande-annonce de Ghostbusters est enfin dévoilée. Le très attendu reboot de Ghostbusters sortira sur les écrans le 10 août prochain. Eh bien, la bande-annonce se dévoile. La première bande-annonce de suite de de la suite des aventures du Dr. Peter Venkman, Raymond Stantz et Egon Spengler est en ligne depuis aujourd'hui même. 30 ans après le premier opus, cette nouvelle version met en scène une équipe de chasseurs de fantômes 100% féminine. Ah bon? Ben, c'est une bonne idée, mais pourquoi, je ne sais pas trop. Mais quand même, bien intéressant. Interprété par Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon et Leslie Jones, elle reprend les codes du film original avec son lot de fantômes, de slime, qui est cette matière visqueuse que le personnage interprété par Kristen Wiig se prend en plein visage dans la bande-annonce. Bien sûr, on reprend les blagues et surtout le fameux corbillard transformé en voiture de fonction anti-fantôme. C'est le réalisateur Paul Feig qui a expliqué avoir accepté de réaliser ce film en raison de la présence d'héroïnes féminines. Je reçois tout le temps des scripts et quand ils concernent des personnages masculins qui font face à des problèmes, je décroche. Je ne suis pas intéressé après des années à regarder des films. Je suis fatigué des problèmes masculins, à noter également qu'ils ne figurent pas dans cette bande-annonce. Certains acteurs des films originels feront de petites apparitions dans ce reboot, comme, semble-t-il, donc des petits caméos. Il y a Bill Murray, Dan Aykroyd ou encore Sigourney Weaver qui pourraient être dans ce film. Ben, je pense que c'est une bonne chose. Et puis, effectivement, ça va faire moins remake de base, là, remake pareil de pareil. Là, parce que sinon, tu sais, vu qu'on ne fait pas un nouveau scénario, je pense que c'est une bonne idée d'aller avec carrément de nouveaux héros et cette fois-ci de nouvelles héroïnes. Et puis, il en manque tout le temps des femmes dans le milieu d'Hollywood, on le sait, c'est un peu comme les minorités. On a besoin de les faire travailler, tout le monde a besoin de travailler, ça c'est sûr. Tiens donc, ici, alerte à Malibu, David Hasselhoff renfile le maillot. Ben, je ne sais pas s'il va être plus slack dans le maillot, mais en tout cas, David Hasselhoff devrait jouer dans l'adaptation cinématographique d'Alerte à Malibu. C'est The Rock, alias Dwayne John, qui a officialisé la nouvelle sur Instagram. L'adaptation au cinéma de la cultissime série Alerte à Malibu se précise après que le mannequin et actrice Kelly Rockback ait accepté de reprendre son rôle tenu dans les années 90 par... le rôle tenu dans les années 90 par Pamela Anderson. C'est le nom de David Hasselhoff qui s'ajoute au générique du film. C'est aux côtés de Zac Efron et de Dwayne Johnson, The Rock, que l'acteur, désormais âgé de 63 ans, oui, devrait donc rouler des pectoraux. Dwayne Johnson a annoncé sur son compte Instagram via une courte vidéo que l'ancien Mitch Buchanan allait renfiler le maillot. Avec la complicité de David Hasselhoff lui-même, The Rock semble tout content d'annoncer cette nouvelle. « Je ne sais pas si le monde est prêt pour nous deux, mais toi, es-tu prêt? » lance-t-il à l'intéressé qui répond « Je suis né prêt ». Hein, je suis né prêt, imagine. C'est débile. c'est du Chuck Norris ou presque, hein? Ce genre de commentaire. Dwayne Johnson de conclure alors, il ne peut y avoir d'Alerte à Malibu sans le Hoff. Soyez prêts. Récemment, c'est sur le tapis des Golden Globes que David Hasselhoff laissait planer le doute quant à sa participation à Alerte à Malibu, le film. Il avait alors expliqué que malgré ses doutes sur la qualité d'un tel scénario, il ne dirait pas non à des producteurs qui souhaiteraient le faire tourner dans une adaptation de la série. Certaines personnes semblent l'avoir entendu. Et puis, il doit avoir un beau gros chèque à la sortie, d'après vous? Je pense que oui. Et puis, tiens, on va terminer avec cette petite nouvelle. Je vous présente la milliardaire la plus jeune du monde. Elle a 19 ans. Elle se nomme Alexandra Anderson. Cette richesse qui n'attend pas le nombre des années à seulement 19 ans. Eh bien oui, Alexandra Anderson est déjà à la tête d'une fortune évaluée à 1,1 milliard d'euros, selon le magazine Forbes. La jeune Norvégienne est suivie de près au classement par sa sœur Katarina, qui a un an de plus qu'elle. Elle partage en effet avec elle 42,2% de la compagnie Fred Holding, un fonds d'investissement dirigé par leur père qui se nomme Johan Andreessen. La famille Andreessen a fait fortune dans l'industrie du tabac avec la compagnie Tiedemann, revendue en 2005 pour près de 600 millions d'euros. Techniquement, Alexandra Anderson est milliardaire depuis l'âge de 10 ans, puisque son père a légué les parts de la compagnie à ses filles en 2007. Mais elle était restée anonyme jusqu'à l'âge de 17 ans, lorsque les autorités norvégiennes ont rendu obligatoire la publication des déclarations de leurs revenus. Oui, alors bien sympathique sur son Instagram. Ben oui, sûrement qu'il doit y avoir du monde qui va en suivre. Hein? Mais Alexandra Anderson semble plus intéressée par les chevaux que par les affaires, comme le prouve son compte Instagram. Elle s'adonne en effet au dressage, participant des championnats et bénéficiant du soutien de plusieurs sponsors. Ben c'est sûr que quand tu as 1,1 milliard hein, de fortune personnelle, tu as besoin de sponsors. Parce que quelqu'un de pauvre, lui, ben, il n'a pas besoin de sponsor, il a juste à payer par lui-même. Hein? C'est ce que je veux faire pour le reste de ma vie, monter à cheval, avait-elle déclaré en 2015 au magazine Eurodressage. Et quand elle dépasse sur un cheval, elle passe son temps avec son petit ami Joachim Tolfonsson, 24 ans.

vont tester des parfaits et des smoothies fabriqués à partir de yogourt grec populaire. Non, attends, pas yogourt grec. Yogourt à la grecque. Parce que yogourt n'est pas grec s'il n'est pas fabriqué en Grèce, n'est-ce pas? C'est vrai. Donc, un porte-parole pour la chaîne gigantesque de fast-food a confirmé les tests, mais a dit que c'était très prématuré de déterminer si ça allait prendre l'expansion. Les restaurants participent aux tests en offrant le menu Simple Delights avec des smoothies faits avec du strawberry, des parfaits au yogourt et d'autres nourritures comme des tranches de pommes qui sont bonnes pour la santé. Voilà. Et aussi, qu'est-ce que ça dit? Oui, ils ont commencé à tester des bols déjeuner le matin. Des bols avec des blancs d'œufs, de la saucisse à la dinde, des épinards et du chou frisé, entre autres. Alors qu'il y a un autre bol qui contient, lui, des œufs brouillés, du chorizo et des patates à déjeuner. Bon, donc, c'est une bonne idée. Moins santé, par contre. Ouais, celle-là, peut-être moins. Un petit peu moins santé. Voilà, là c'est vrai, c'est terminé. On est terminé pour une grosse pointe d'adresse. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Allez-y, savourez ça pendant que nous on termine avec notre gourou eau énergisante. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Une vidéo vraiment remplie d'espoir. C'est un petit miracle sur cette vidéo qui a été filmée en Arabie Saoudite. On peut voir sur cette vidéo un oiseau en ramener un autre à la vie, donc qui est inconscient, en lui faisant quelque sorte du bec à bec ou du bouche à bouche ou des massages cardiaques. Eh bien oui, l'oiseau inconscient se serait apparemment écrasé contre une fenêtre. Son sauveur tente d'abord de le réanimer en lui donnant des petits coups de bec avant de changer de méthode, en essayant de le bouger d'un côté puis de l'autre. Une tactique donc qui va vite s'avérer payante puisque l'oiseau inanimé commence peu à peu à bouger ses ailes avant de se remettre sur ses pattes puis finalement de s'envoler, suivi de près par son héros ailé. Une bien jolie histoire comme savent parfois nous en offrir nos amis les animaux. Allez voir ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment sympathique quand tu vois le petit oiseau qui essaie de ranimer l'autre. Ben, il est comme dessus avec ses pattes puis il saute dessus puis il tasse puis il bouge. Moi, je pense que c'est un genre de massage cardiaque. En tout cas, sa technique a réussi. Ça, c'est clair. Bernie Sanders. Eh bien oui, hein, candidat démocrate, Bernie. Il peut compter sur le soutien des dominatrices sadomasochistes. Assez particulier comme titre, hein? Donc, le candidat en liste pour l'investiture démocrate pour les élections présidentielles américaines peut composer sur une aide plutôt inattendue, celle d'un groupe de dominatrices sadomasochistes. Donc, Dom for Bernie, les dominatrices pour Bernie Sanders, proposent de contribuer à la campagne du candidat démocrate d'une manière originale. Elle offre la possibilité à des employés de Wall Street de se faire volontairement fesser pendant 15 minutes pour la modique somme de 27$. Et le rapport, ça a quoi? Donc, semble-t-il que ce serait pour récolter des fonds pour sa campagne. Ce n'est pas une coïncidence. Le principal rival d'Hillary Clinton critique régulièrement Wall Street dans ses discours. Tous les fonds collectés par les dominatrices serviront à financer sa campagne. Vous travaillez à Wall Street? Vous êtes un port de capitalistes qui exploite les gens pour le profit? Vous devriez, vous ou votre patron, être mis en prison pour avoir saccagé l'économie américaine. Dans ce cas, vous méritez une bonne raclée, demandez le Bernie spécial et faites-vous fesser pendant 15 minutes entières. Détaille laconiquement une publicité de ce service publié sur le site backpage.com. Ça a été publicisé ça le 19 février. Donc, le candidat de 64 ans, Bernie Sanders, intègre mieux nos aspirations féministes. Hillary ne soutient pas la légalisation des travailleurs sexuels, explique une des dominatrices à l'origine de cette offre au site MediaHit. Ce serait donc ridicule pour nous de soutenir quelqu'un qui ne reconnaît pas notre autonomie et qui préférait voir les prostituées arrêtées plutôt que respectées. Alors, ben, t'es bien chanceux, Bernie. T'en as une coupe de ton bord. Mais j'avoue que Bernie Sanders est assez, hein, surprenant dans sa politique. Moi, je pense que ça peut être une bonne chose, mais je pense qu'il est un peu trop à gauche pour pouvoir remporter aux États-Unis. Donc, mais en tout cas, on verra qui vivra, verra. En Irak, 6 morts dans une attaque revendiquée par Daesh. 4 kamikazes du groupe de Daesh ont tué alors 6 militaires, dont un général, dans une attaque contre un QG de l'armée de l'Ouest de Bagdad. L'attaque qui a eu lieu tard lundi dans la région de Andinta, dans la province occidentale d'Al-Anbar, a causé la mort du général de brigade Ali Habdoud. qui est lieutenant-colonel et du lieutenant-colonel Farhan Ibrahim, ainsi que quatre autres militaires, selon les responsables de l'armée et la police. L'un des kamikazes a fait détonner sa ceinture d'explosifs à l'intérieur du bureau du général Abdoud, tandis que les trois autres se sont fait exploser dans un autre endroit du QG. Dans un communiqué publié mardi sur Internet, Daesh a revendiqué l'attaque, mais n'a mentionné que deux kamikazes, les présentant comme des Syriens. Ben, eux autres, dès qu'il y a quelque chose, ils veulent que ça soit leur nom, même si ça ne l'est pas. Hein. Le colonel Farouk Al-Djougafi, chef de la police d'Andinta, a affirmé que les kamikazes étaient vêtus de tenues militaires et que le QG était situé près d'un barrage hydraulique, le deuxième plus grand du pays, après celui de Mossoul. Les forces de l'intérieur du QG étaient chargées de la défense de ce barrage, toujours selon le général Daboun. Daesh a mené en 2014 une offensive fulgurante qui lui a permis de s'emparer de vastes pans du territoire irakien, dont d'importantes zones d'Al-Hanbar, mais le groupe djihadiste est sur la défensive dans cette province depuis plusieurs mois, notamment après la perte en décembre de Ramadi, son chef-lieu. Les forces de sécurité soutenues par les tribus locales et l'aviation de la coalition internationale menée par les États-Unis ont réussi au cours des 18 derniers mois à défendre Adita des attaques de Daesh. La guerre contre les djihadistes a fait de nombreuses victimes parmi les hauts gradés de la province majoritairement sunnite d'Al-Hanbar, la plus grande d'Irak et qui est frontalière de la Syrie, la Jordanie et l'Arabie Saoudite. Des commandants d'une division et d'une brigade d'Al-Hanbar ont été vu en avril 2015, tandis que deux chefs des opérations de la province ont été blessés au cours de la même année. Le gouverneur de la province, lui aussi, a été blessé en 2014. Daesh a multiplié ces derniers jours les attaques suicides en Irak. Au moins 24 personnes ont été tuées lundi dans un attentat au nord-est de Bagdad et au moins 33 personnes sont mortes dimanche dans des attaques dans un quartier chiite de la capitale. Et ça va bien et ça continue. On va rester dans l'aussi ridicule que l'islam. Eh bien oui, l'église du monstre Spaghetti Volant qui va célébrer son premier mariage. C'est désormais officiel, les Néo-Zélandais peuvent recevoir les sacrements du mariage de la part d'un représentant de l'église du monstre Spaghetti Volant. Le premier mariage du genre a en effet été approuvé cette semaine par les autorités. Nous avons des épées et des nouilles et des pâtes qui sont impliquées dans la cérémonie. C'est très amusant, a expliqué Karen Martin, qui dirige cette église dont les fidèles sont appelés les pastafariens. Ben oui, hein? Référence aux rastafariens. Ces derniers pourront ainsi s'unir par les liens sacrés du mariage, tout comme n'importe quel citoyen néo-zélandais, y compris ceux qui ne croient pas au monstre du spaghetti volant. Si vous savez c'est quoi le monstre du spaghetti volant, eh bien, là-bas, on croit en l'existence d'un dieu fait de spaghettis et de boulettes de viande. Selon des représentants, cela n'a rien de plus étonnant que de croire à d'autres dieux. Effectivement, son existence officielle est permise par la loi néo-zélandaise particulièrement tolérante envers toutes les formes de croyances. Selon les textes, tout groupe qui promeut des croyances religieuses ou des convictions philosophiques ou humanitaires peut ainsi obtenir le droit de célébrer des mariages. Et le responsable des naissances, morts et mariages, Jeff Montgomery, a estimé que l'église du monstre du spaghetti volant avait démontré une constance dans sa philosophie, décidant ainsi de lui conférer le droit d'organiser des unions matrimoniales. C'est magique! Une église sans règles, mais avec des convictions. Cette église peu orthodoxe est régie par des convictions profondes. À défaut d'imposer des règles strictes à ses fidèles, il n'existe en effet aucune obligation vestimentaire ou alimentaire au sein de celle-ci, et elle permet même de croire en d'autres religions. Certains affirment que nous sommes une organisation parodique, mais nos membres ont démontré l'inverse à de nombreuses occasions. Vous pouvez vous moquer de nous parce que nous croyons que toutes les religions devraient être sujettes aux critiques et à l'humour et qu'elles devraient avoir pour objectif de favoriser le bien commun et non de diviser les gens comme elles le font depuis toujours, finalement. Notre objectif est de favoriser le bonheur et le plaisir des individus, mais aussi de la communauté et surtout du monde entier. L'église du monstre du spaghetti volant n'en est pas à la première institution religieuse farfelue à avoir acquis le droit de procéder au mariage en Nouvelle-Zélande, alors que quelques 9665 personnes sont autorisées à le faire à travers le pays. Les Néo-Zélandais peuvent ainsi être unis par des druides, par des wiccans, qui sont des sortes de sorciers, ou même des maîtres yogis. C'est magnifique! Et en plus, c'est aussi probable et surtout beaucoup plus gentil que la religion catholique ou la religion islamisme, de l'islam. Hein? Musulmane, c'est ce que je cherchais. Connaissez-vous le chat Guimau? Guimau, c'est la nouvelle star du web avec ses yeux plus qu'énormes. Guimau, un chat noir aux petites oreilles courbées, fait craquer les internautes et pour cause, ses yeux énormes et ronds le rendent tout simplement irrésistible. Je lis le texte, hein, je parle pas de moi. Qu'il soit debout sur ses pattes arrière, assis nonchalamment dans une boîte de carton ou tout simplement en train de vous regarder, Guimau avec ses grands yeux hypnotiques met la barre très haut dans la catégorie prisée des cutitudes des chats mignons d'Internet. On parie même que cette petite boule de poils aux faux airs de chat poté saura faire fondre ceux qui d'habitude n'aiment pas les chats. Donc c'est le One Room One Cat, c'est le nom de contre groupant les photos de Gizmo, de Guimau, pas de Gizmo. Sur Instagram, il a déjà plus de 143 000 abonnés. Est-ce que vous serez le prochain? Sûrement, je vous vois déjà aller chercher son compte. Un petit peu, deux secondes. Oui! Hier, j'avais lancé cette nouvelle, mais je me semble que je ne l'ai pas développée. Je vous l'envoie, me semble que non. C'est Mark Zuckerberg qui prétend changer une couche en 20 secondes. Donc, le fondateur et patron de Facebook, Mark Zuckerberg, est papa depuis peu. Il a affirmé jeudi être en mesure de changer une couche de sa fille en 20 secondes grâce à une technique bien à lui. Je cite M. Zuckerberg, il dit « Je suis un type compétitif, je me chronomètre pour faire mieux de mieux en mieux et je suis descendu jusqu'à 20 secondes. » C'est ce qu'il a assuré, M. Zuckerberg, qui se voyait remettre un prix par le groupe Axel Springer à Berlin. Le patron de l'éditeur allemand Matthias Döpfner l'interrogeait sur son congé de paternité pendant lequel M. Zuckerberg, à 31 ans, avait posté sur son compte Facebook une photo de lui en train de changer une couche. Il dit « Le truc, c'est de placer la nouvelle couche sous l'ancienne », a poursuivi le jeune patron, en veine de confiance. Celui qui est connu pour ne porter que des t-shirts gris, toujours le même modèle, a raconté, porter le week-end des t-shirts de couleur. Effectivement, là, on le voit avec un t-shirt violet. Ça, c'est de la nouvelle. Mark Zuckerberg et sa femme Priscilla Chan sont parents de cette petite fille, Maxima, qui est née en novembre 2015. Je pense que Maxima Zuckerberg, là, retenez ce nom. On va en entendre parler pendant plusieurs années, c'est clair. Ici, tiens, je vous envoie un petit vidéo qui vous résume en 3 minutes les 3 saisons de House of Cards. C'est la saison 4 qui débarque le 4 mars sur Netflix aux États-Unis. Une vidéo a été faite en dessin animé qui résume les 3 premières saisons de la série House of Cards en seulement 3 minutes. Les retardataires donc n'auront pas besoin de passer des heures devant leur télé pour être à la page concernant le destin de Frank Underwood, incarné magistralement par Kevin Spacey, ainsi que sa garde rapprochée machiavélique. C'est le site américain Mashable qui vient de dévoiler une vidéo qui passe en revue tous les coups bas du héros et les moments clés de cette série qui a été créée par Bo Willman. Deux narrateurs relatent les faits et gestes du président américain qui ne cesse de se frotter les mains. On retrouve aussi sa magnifique femme, hein? Très gentille, Claire Underwood, jouée par Robin Wright, ainsi que son allié Doug Stamper, Michael Kelly, la journaliste ambitieuse Zoe Barn, qui est jouée par Kate Mara, ou encore le sénateur Peter Russo, qui est joué par Corey Stoll. Vous irez voir ça si vous aimez House of Cards ou si vous avez envie de le découvrir. C'est extraordinaire. House of Cards, excellente série. Et y a des gens qui disent que non, ça ressemble pas nécessairement à la vraie politique américaine, mais en tout cas, on y croirait. Hein? C'est ce que je peux dire. Sur ce, eh bien, on s'en va tout de suite en musique. On va aller écouter une pièce des Ghouls. Ben oui, ça fait-tu longtemps ça qu'on n'a pas vu les Ghouls? C'était Kate Kuna, hein? Ben pas c'était, c'est Kate Kuna qui chante dans ce groupe. Il a fait son bout de chemin tout seul et puis ben, il retourne à ses vieilles amours. Sûrement qu'il va revenir tout seul un moment donné. Mais en tout cas, là on va aller écouter la pièce Coma, qui est un clip officiel pour la sortie de leur prochain album. On va écouter ça tout de suite, donc allez-y les Ghouls! Plongé dans le coma. Les Ghouls avec la pièce Coma qui présente leur prochain album qui est déjà en vente maintenant. Et puis, vous rendre sur lesghouls.bandcamp.com. C'est le nouvel album, justement, de Kate Kuna et de ses amis. Les Ghouls, Kate Kuna, Voyage d'hiver, un retour aux Ghouls. Je pense que t'es bipolaire. Ben non, mais je pense que c'est une bonne chose. Moi, si je me mettais à la place de Kate Kuna, j'apprécie vraiment que ce gars-là a fait son passage. Parce que d'habitude, les bands existent. Et ensuite, ben là, t'as le leader du groupe qui se sépare et puis qui oublie pour la vie le reste de ses chums. Hein? Si on a juste à prendre monsieur, comment il s'appelle, là, la voix, Carquois, oui, le chanteur, bon, qui était à la voix là, comme juge, je me rappelle même plus, juste parce que je cherche. Mais en tout cas, tous les bands, c'est ce que ça se passe de cette façon-là. Ben là, je trouve ça le fun que Kate Kuna revienne avec ses chums, puis je pense qu'il avait le goût d'aller vers de quoi d'un peu plus rock, parce que ses autres tunes, c'était excellent, mais c'était beaucoup, beaucoup plus calme, beaucoup plus chansonnier, beaucoup plus introspectif. Là, ici, on a un petit peu plus de virilité dans le son, et puis je pense que c'est une très, très bonne chose. Donc, un ingrédient ici secret, on s'en va dans un autre ordre d'idées complètement. C'est un ingrédient secret qui rendra vos œufs brouillés fabuleux. Hein? Est-ce que vous aimez premièrement les œufs brouillés? Peut-être même pas. Mais en tout cas, si vous aimez ça, ici, je vous envoie l'ingrédient à mettre dedans. La différence entre de bons œufs brouillés et d'excellents œufs brouillés, eh bien, c'est souvent une question technique, à moins d'avoir cet ingrédient secret. Nous sommes tombés sur une délicieuse recette d'œufs brouillés du blog culinaire Simple Provision. L'ingrédient magique, et c'est, eh bien, je vous le donne en mille, rien de moins que du lait de noix de coco. Quelques cuillères à soupe de cette substance sucrée ne donne pas donc des œufs baveux comme on pourrait le penser. Le résultat est plutôt doux et soyeux avec un petit peu plus de saveur, juste un petit peu plus sucré. Donc, qui donne l'impression de découvrir le vrai goût des œufs. C'est un goût qui se marie parfaitement. Un goût délicieux qui rend le tout toujours meilleur. Rendez-vous donc sur ce blog pour la recette complète, Simple Provision. Et puis, attends un peu. Là, on a un petit top ici de 14 manières de rater ses œufs. Hein? Les œufs trop liquides, c'est un fait d'aimer ses œufs liquides, mais encore faudrait-il qu'ils restent dans la poêle. Hein? Si vous avez trop mis de stock, eh ben non. Mais qu'avait-il fait pour mériter ça? C'est des œufs qui ont été faits dans une poêle sans aucun corps gras et dans une poêle qui n'est pas anti-adhésive. Vous irez voir les images. C'est vraiment très, très drôle. Gars, j'ai pas le goût de développer ça, mais c'est des trucs à voir. Vraiment. Ah, ici, on a des œufs pochés qu'on a dégustés comme des petits caliméros. C'est bien, bien le fun. Des œufs qui ont explosé dans un four à micro-ondes. Un genre de vomi d'œuf. Et puis, ça continue. Allez voir ça si ça vous intéresse, si vous aimez les œufs. Aux Philippines, un plaisancier retrouvé momifié. Le corps momifié de Manfred Fritz Bajora, un navigateur allemand de 59 ans, a été retrouvé ce week-end par deux pêcheurs au large des Philippines. La nouvelle de la macabre découverte est relayée. Photo à l'appui ce mardi 1er mars. Par le Daily Mail. Manfred Fritz Bajora a été retrouvé donc attablé dans la cabine de son yacht qui prenait l'eau. Selon le quotidien britannique, l'air sec, les hautes températures et l'atmosphère chargée de sel expliqueraient donc la bonne conservation de son corps. Et autour du cadavre se trouvaient des albums photos, des vêtements et de la nourriture. Manfred n'avait plus donné signe de vie depuis plusieurs mois. Interrogé par le quotidien allemand Bild, un ami du navigateur a indiqué lui avoir parlé pour la dernière fois il y a un an via Facebook à son anniversaire. Les enquêteurs espèrent que les photographies retrouvées près de lui leur permettront de retracer c'est l'obscur parcours d'un homme discret qui semblait attaché à la solitude au dire de ses proches. Des photos très, très marquantes. Là. Vous irez voir ça. Encore là, il faut quand même avoir le cœur solide. Il n'y a rien de dégueu, mais c'est littéralement l'homme est momifié. Pour le moment, toutes les hypothèses sont permises. Le Dr. Mark Benecke, biologiste et spécialiste de l'entomologie médico-légale outre-Rhin, précise à Bild que la façon dont Manfred est assis tend à montrer que la mort a été soudaine, comme peut-être après une crise cardiaque. De plus, la dépouille se trouvait non loin d'une station radio, ce qui laisse à penser que le navigateur a pu peut-être chercher à contacter le monde extérieur pour demander de l'aide avant de décéder. Une autopsie est désormais en cours et les enquêteurs espèrent trouver la clé de cette mort très énigmatique. Et ça pourrait donner un excellent début pour un film, hein, tout ça. Facebook, le chef du gouvernement de Hong Kong reçoit plus de 130 000 émoticônes de colère. Eh bien oui, à cette heure, hein, on n'est pas obligé d'écrire « like » ou quoi que ce soit. On a plus de choix, on a 5-6 choix maintenant. Le chef du gouvernement de Hong Kong, Liu Chongying, a reçu samedi près de 133 000 émoticônes de colère sur son profil Facebook, soit 100 fois plus que le candidat républicain de la Maison-Blanche, le célèbre Donald Trump. Pour cause, ce proche donc de Pékin est la bête noire du mouvement pro-démocratie locale. Il avait même été caricaturé sous la forme d'un vampire lors du mouvement des parapluies en 2014. 3 jours seulement après l'introduction par le réseau social de nouveaux boutons pour exprimer les sentiments, le chef de l'exécutif hongkongais, cristallise ainsi la vindicte d'une partie de ses concitoyens utilisateurs de Facebook. D'une manière générale, c'est d'ailleurs les émoticônes exprimant la colère qui prennent le plus le pas sur les autres, alors que pour Barack Obama ou David Cameron, c'est le like classique qui est l'icône la plus utilisée. Excellent. On comprend pourquoi, hein, quand même. Ça dépend tout le temps des valeurs de chacun. Puis je pense que c'est le karma, ça vous revient ou ça vous revient pas. Tout dépendant. Ah, ici, sérieusement, vous allez voir, c'est un titre qui fait froid dans le dos. Ça donne presque mal au cœur de lire l'article. Mais quand même, c'est un fait divers, je vous en parle. Une dame qui a l'air de votre cousine ou de votre femme ou de votre sœur, vraiment une fille des plus normales du monde. Mais qu'est-ce que la normalité, hein? Ça, c'est clair. Eh bien, qui a massacré et arraché les intestins de son bébé parce qu'il ressemblait trop à son amant. Elena Smokot, une Roumaine âgée de 27 ans, vient d'être condamnée à 18 ans de prison ferme pour le meurtre particulièrement barbare de son bébé. La raison de ce geste, eh bien, l'enfant qui venait à naître ressemblait trait pour trait à son amant. Lors de son procès, la jeune mère mariée, diagnostiquée comme dépressive, a expliqué avec froideur comment elle avait procédé pour tuer son bébé, donnant même les détails sordides. Folle de rage, elle a dans un premier temps balancé et frappé le nourrisson contre des meubles pour qu'il se taise. Elle a ensuite jeté son corps au sol et l'a frappé à plusieurs reprises sous les yeux de son fils de 4 ans et de son neveu de 7 ans qui sont partis alerter les voisins. Aïe aïe. Pour finir, eh bien, Elena Smokot a arraché les intestins de son nouveau-né avant de les placer dans la baignoire. Elle a utilisé une tuile fendue pour découper le corps du bébé, puis elle a pris une douche comme si de rien n'était avec le corps de son enfant et ses intestins dans la baignoire. Tu vois tout de suite que ça va pas bien, hein? Elle a décrit la façon dont elle a pris les intestins du bébé et a insisté sur le fait qu'elle a dû s'y prendre à plusieurs reprises afin de parvenir à ses fins. La jeune mère a conclu en déclarant qu'il était plus facile de retirer les intestins d'un poulet que ceux d'un bébé. Sérieux, je vous lis la nouvelle, puis tout le long, j'ai mal au cœur en lisant la nouvelle. C'est dégueulasse, puis je m'excuse à tous ceux qui ont entendu cette nouvelle-là. Mais quand même, fallait que je la fasse. Ça n'a pas de sens de passer sous silence quelque chose d'aussi terrible. Hein? Les filles ne sont pas toutes des princesses, c'est à voir en vidéo. Ben non, ça c'est une petite vidéo bien sympathique. Vous allez voir, je vais essayer de vous la faire jouer. Est-ce qu'on peut l'écouter? J'espère qu'il n'y a pas de pub avant. On va aller écouter ça. Hey Ty. Let's go. OK, là, il y a 2-3 petites vidéos qui partent en même temps. Ça, c'est un peu plate, là. Mais vous avez entendu au début l'énorme caisse qu'une jeune fille, une adolescente, là, toute jolie, là, ça se passe dans une cuisine, est avec son frère. Donc, la jeune fille se filme avec son smartphone et lâche soudainement un énorme pet bien gras. Donc, son petit frère, qui est étonné, se demande vraiment, il demande à sa sœur, « C'est-tu un vrai pet que t'as fait? » Et puis là, tandis que l'odeur se répand dans la cuisine et envahit la pièce, eh bien, la fille nous répond « Ben oui, les femmes ne sont pas tous des princesses. » Et puis, les deux sont crampés de rire. Vraiment, un beau moment, frère et sœur. Et puis, un pet, ben ça fait toujours rire tout le monde. C'est de même. J'aurais aimé que vous l'entendiez mieux, là, mais c'est pas grave. On a entendu au moins le fameux pet. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. C'est le bulletin Gartin. Oui. We'll be right back.

Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. En Israël, pour travailler moins, la police ferme les yeux sur les excès de vitesse. Donc, les chauffeurs israéliens qui s'étonnaient de ne pas recevoir d'amende malgré la prolifération des radars savent maintenant pourquoi. La police trafiquait délibérément les caméras de contrôle de vitesse pour avoir moins de contraventions à traiter. C'est ce que vient de révéler un rapport public. Sur un axe majeur de Jérusalem, la route de Hébron, les radars étaient réglés pour se déclencher à 150 km alors que la vitesse autorisée est seulement de 80. Sur une des principales avenues de Tel Aviv, le boulevard Namir, la vitesse est théoriquement réduite à 60 km, mais il fallait rouler à 250 km/h pour se faire flasher. C'est ce qu'indique encore le rapport aux conclusions publiées jeudi dans la presse. La police a tout simplement traficoté les radars parce qu'elle était incapable de faire face à l'afflux des contredanses. Hein? Des contredanses, des contrevances, en tout cas des contraventions suscitées par la mise en place d'un nouveau réseau de caméras. C'est ce qu'a indiqué le rapport du contrôleur d'État chargé de vérifier la légalité des politiques et les pratiques de l'État, ainsi que le bon usage des fonds publics. Le gouvernement israélien a décidé en 2005 d'installer plus de 300 radars sur les routes du pays pour un coût de 100 millions de shekels, ce qui représente environ 35 millions canadiens. Selon ce rapport, la police annule aussi systématiquement les amendes pour excès de vitesse de ces hommes en dehors de leurs heures de service. Les policiers flashés mentent fréquemment en disant que c'était pour les besoins du travail. La police a fait sauter alors près de 1 400 contraventions, soit plus de la moitié, ce qui représente 53 % délivrés contre ses membres entre 2012 et 2015. C'est ce qui indique encore le rapport. Cette affaire, après la mise en cause de hauts responsables pour harcèlement sexuel au la police contribue encore un peu plus à discréditer les forces de l'ordre auprès du public, soulignent toujours les médias. Un escalier roulant provoque une énorme chute en Chine. Quand on vous dit qu'il faut préférer les escaliers normaux aux escaliers roulants, eh bien, en Chine, dans la ville de Ningbo, un escalier roulant a provoqué la chute de plusieurs dizaines de personnes, entraînant des blessures pour 5 d'entre eux. On peut le voir dans la vidéo sous-dessous, via la page Facebook du Dîner de cons, les images de vidéosurveillance diffusées par la chaîne chinoise CCTV. Alors que la foule est en train de monter, eh bien, l'escalier change subitement de sens, précipitant au sol les usagers à une grande vitesse. Sérieux, ça fait peur. Pour le moment, les autorités n'ont pas réussi à déterminer les causes de l'incident, bien que celui-ci n'en soit pas une première. Depuis l'an dernier, plusieurs accidents de ce type ont été répertoriés. Certains furent même mortels, comme celui où la jeune femme tombait dans le mécanisme après qu'une plaque de métal se soit dérobée sous ses pieds en juillet dernier, accident qui a causé également la mort d'un enfant de 4 ans fin 2015. Donc, si vous avez le choix de prendre l'escalier roulant au lieu de l'escalier normal au lieu de l'escalier roulant, eh bien, le choix, ben oui, peut-être que c'est moins soufflant de monter les escaliers, mais c'est moins dangereux aussi. Et en bas de cet article, au pied de cet article, si ça vous intéresse, je ne les enverrai pas, mais il y a un top magnifique de photos. C'est les 25 plus beaux escaliers du monde. Vous irez voir ça si les escaliers vous intéressent. Et peut-être que même si les escaliers ne vous intéressent pas, ben vous allez découvrir finalement que oui, les escaliers, ça peut être très intéressant, en tout cas du côté architectural. Moins peut-être pour les monter, là, mais en tout cas. Trois suspects arrêtés pour vol à Richmond grâce à un interphone pour bébé. Donc, avis aux voleurs, l'écoute de bébé avec caméra ne surveille pas seulement le poupon qui dort. Trois suspects l'ont appris à leur dépens dans la région de York, en banlieue de Toronto. Donc, la police s'est servie des images filmées par l'appareil lors d'un vol dans une résidence à Richmond Hill en décembre pour identifier les trois hommes. Ils ont alors comparu en cour ce jeudi. Ils ont été accusés d'entrer par effraction et une série de vols de portefeuilles dans les magasins de Vaughan. On cite ici le porte-parole de la police, Andy Patenden. Il dit « J'ai entendu parler de quelques autres cas pour lesquels des interphones pour bébés ont été utilisés pour une enquête, mais ce n'est pas commun. C'est ça. Il va peut-être en avoir de plus en plus. Hein, parce que l'interphone, avant, c'était juste le son, mais de plus en plus, ben, on a les caméras équipées là-dessus. Alors, pourquoi pas? Hein? » tiens donc ici. Quatre Britanniques rescapés en mer font un arrêt imprévu à Saguenay. Hier, on avait parlé de ça, mais on n'avait pas compris le pourquoi du comment. Alors que leur voyage en aviron devait les mener aux îles Canaries, à la Barbade, eh bien, c'est plutôt à la baie au Saguenay qu'ont atterri Gemma Chalk, Claire Lanyon, James McIntosh et Olivia Wilson. Même si la destination finale a changé en cours de route, leur histoire aurait pu prendre une tournure beaucoup plus dramatique. C'est le 26 janvier qu'avait lieu donc le jour du grand départ. Les quatre Britanniques avaient comme objectif de traverser l'Atlantique à la rame. À partir du 26 janvier, plein hiver, me semble que c'est rough, hein? Donc, eux, ils voulaient battre le record féminin en amassant des fonds pour deux organismes de charité pour enfants. À environ 400 000 nautiques de Cap-Verdé sur la côte ouest africaine, leur embarcation, le Fire Hunt, a toutefois chaviré. Le lendemain, les experts de l'aviron ont constaté que plusieurs équipements avaient déjà subi des bris. Elles ont dû donc se résoudre à lancer un appel de détresse le 13 février. Les deux navires les plus près où se trouvaient... où deux se trouvaient, étaient à environ 11 heures de navigation. Le premier est arrivé sur place a été le Rio Grita. Ce bateau transportait de la bauxite en provenance de la Guinée et était en route vers les installations portuaires de Rio Tinto dans l'arrondissement de la baie. Rio Tinto, Alcan, donc, à Saguenay. Il a alors fallu 7 essais pour que les dames arrivent à monter à bord. Le sauvetage a été très difficile, notamment en raison de la différence de taille entre les deux embarcations. C'est clair, un, c'est un cargo, puis l'autre, t'es avec quasiment une chaloupe. Donc, au total, les femmes ont passé 16 heures accroupies sur leur bateau à la dérive. Elles admettent avoir eu peur puisqu'elles qu'elles connaissent très bien les dangers de la mer et le caractère très imprévisible de l'océan. Elles sont finalement arrivées au Saguenay le 26 février, un mois jour pour jour après le début de leur périple. Elles ont alors pris un vol dans la journée même pour rentrer chez elles, soulagées que cette traversée périlleuse de l'océan soit enfin terminée. Non, ils sont pas repartis en kayak. OK, ça c'est fait. Jouer aux jeux vidéo FPS, donc First Person Shooter, pourrait être bénéfique pour les lésions du cerveau. Selon une étude australienne, les jeux de tir à la première personne en français, ou FPS, pourraient aider à la rééducation de patients atteints de lésions cérébrales traumatiques. Les chercheurs de l'Université de Macquarie de Sydney ont alors constaté que ces jeux, permettraient d'améliorer la durée d'attention du cerveau et sa capacité à traiter de l'information. Pour parvenir à ce résultat, l'équipe a demandé à un groupe de 31 patients souffrant de lésions cérébrales traumatiques de jouer à Medal of Honor Rising Sun, un titre classique des FPS. Pendant le jeu, les participants étaient formés sur la façon de résoudre les énigmes et de suivre une stratégie. Pardon. Ils ont également travaillé avec un programme éducatif abordant les conséquences communes de ce type de blessure. Les chercheurs ont alors découvert que les participants devenaient non seulement meilleurs dans le jeu vidéo, mais qu'ils s'amélioraient également dans les tâches quotidiennes de la vie de tous les jours. Donc, ce type de blessure au cerveau se produisant davantage chez les jeunes hommes, l'utilisation d'une console de jeu comme moyen de traitement constitue un avantage, souligne l'étude. Les chercheurs louent également le coût réduit d'une console en comparaison à des équipements médicaux spécialisés. Génial! Le potentiel des jeux d'action pour aider ces patients est énorme, insiste l'auteur principal de l'étude, Alexandra Vicky, citée par le site Science Alert. Les chercheurs espèrent désormais mener des études du même type sur un plus grand nombre de patients afin de confirmer leurs résultats. Bonne nouvelle. Et puis, ben, c'est vrai que en plus, le traitement est le fun. Hein? On aime jouer aux jeux vidéo. Alors, c'est rare qu'un traitement médical est aussi intéressant. Un signal provenant de 6 milliards d'années-lumière a été capté pour la première fois. C'est le télescope de Park en Australie qui a repéré un signal radio venu d'une galaxie inconnue située à plus de 6 milliards d'années-lumière. Comment ça est à côté, ça, hein, 6 milliards d'années-lumière? Les scientifiques qui ont fait cette annonce mercredi dans la revue britannique Nature sont formels. N'en déplaise aux amateurs, ce signal ne provient pas de quelconque extraterrestre à plus de 56,66 milliards de kilomètres de notre planète. Non, il s'agit plutôt d'un sursaut radio rapide, un FRB pour Fast Radio Burst en anglais. C'est le 17e détecté depuis 2007, date à laquelle l'homme a observé ce phénomène cosmique encore très mystérieux pour la première fois. L'annonce n'est pas à prendre à la légère, car non seulement c'est la première fois que ces astronomes sont parvenus à identifier sa provenance, mais aussi c'est parce qu'il devrait permettre d'en savoir plus sur ce que les scientifiques appellent la masse manquante. Ça devrait, en réalité, il existe aujourd'hui plus d'hypothèses sur les FRB que les FRB effectivement recensés. En une milliseconde, les FRB émettent autant d'énergie que le Soleil en 10 000 ans. Il est donc extrêmement difficile de les détecter directement, et c'est ce qu'est parvenu à faire un télescope australien le 18 avril. avril 2015. Il a aussitôt alerté d'autres télescopes du monde entier qui se sont mis à l'observer, si bien que ce FRB a pu être étudié pendant 6 jours, le temps donc qu'il a mis à disparaître. La véritable avancée scientifique est là. Les scientifiques ont pu faire un zoom sur la source de l'explosion avec 1000 fois plus de précision que jamais auparavant. Et pour Evan Kane, auteur de l'étude, ses conclusions sont simples. Eh bien, ces FRB sont le résultat de la fusion d'étoiles à neutrons. Qui plus est, cette affirmation et cette observation prolongée a permis de mesurer la quantité de matière de l'univers et d'avancer une hypothèse sur la vertigineuse question de la matière manquante. La matière quoi? Eh bien oui, la matière manquante. La science admet aujourd'hui que l'univers est composé de 70% d'énergie sombre, 25% de matière noire invisible, et de 5% de matière ordinaire comme les étoiles, les planètes ou l'hydrogène ou même nous. À ceci près que la seule moitié de cette matière ordinaire est visible, le reste est manquant. C'est là donc la matière manquante. Or, en calculant le temps que le signal du FRB a mis à parvenir jusqu'à la Terre, Evan Kane a alors pu calculer combien de particules il avait rencontrées et, en d'autres termes, il a pesé l'univers et ouvert de nouvelles pistes sur cette matière manquante qui obsède depuis si longtemps les astronomes. Bonne nouvelle. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados diffusion sur cfou.ca.